Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui à l'AG du Crédit Mutuel et nous sommes ici aujourd'hui pour interviewer quelques personnes. Donc bonjour, êtes-vous un client ou un partenaire ou travaillez-vous ici? Alors cliente et sociétaire. Je suis cliente. D'accord, et dans quelle commune habitez-vous? Alors La Roche-sur-Yon. Venanceau. Et qu'attendez-vous d'une banque? Qu'elle prête de l'argent pour des projets de vie et puis une relation sympa. Et pourquoi avez-vous choisi cette banque en particulier? Alors, banque des parents. Donc, on m'a ouvert un compte quand j'étais petite. Parce que j'ai fait la même chose avec ma fille quand elle est née. Donc, j'épargne depuis qu'elle est petite. Voilà, pour pouvoir avoir des projets. La même chose, parce que mes parents sont au Crédit Mutuel, donc on suit. D'accord. Et qu'est-ce que vous appréciez au Crédit Mutuel? La proximité. Ouais, la simplicité aussi. La proximité. Ouais. La rapidité aussi, quand on a besoin. La prise de rendez-vous est très rapide. C'est vrai? Ouais, ouais. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, puis bonne AG. Merci.